vous écoutez toujours La Marge, le 89.3 FM, CISM. Je m'appelle André Péloquin, il est présentement 16h et des poussières. C'est donc l'heure de la grande traversée du jeudi Plectrum. J'espère que vous passez une agréable journée, car moi, au moins, je vais me promettre de vous faire passer au moins deux magnifiques heures, de 16h à 18h. On va débuter dès maintenant cette émission avec tambour et trompette. On va vous faire jouer des nouveautés de Malajub, un extrait de leur fameux album Trompe-l'œil qui devrait sortir en février. Ça s'appelle Montréal, moins 40 degrés Celsius et c'est excellent. On va aussi avoir du caféine, un nouvel extrait de la descente du coude et du libre-échange. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, vous pouvez me rejoindre à plectrumcism@hotmail.com. C'est le plectrumcism@hotmail.com. Vous pouvez aussi passer sur mon site web, c'est le plectrumcism.blogspot.com. Vous y trouverez un résumé des pièces qui ont été jouées aujourd'hui et des semaines précédentes. Mais là-dessus, trêve de bavardage. On débute dès maintenant avec Malajub et Montréal, moins 40 degrés Celsius sur la marge. Le 89.3 FM CISM. Wouhou! Ça dans la vie. Hein. Il y a aussi l'âme. Parce que je veux entendre parler de vous. Mais comme We'll be right back. mal au cœur. Arrache la page sans un détour. En plein décor, lâche le compteur. La marge, le 89.3 FM CISM, je m'appelle André Péloquin, c'est la grande traversée du jeudi Plectrum qui se continue. On a débuté avec quelques pièces plutôt rock alternatif, on vient de terminer avec la formation Libre Étrange, c'était la pièce Aïma tirée de leur démo. Un peu avant, on avait la descente du coude avec Brochez-le, brochez-le, brochez-le! Vous pourrez entendre sur la compilation 15 ans de marge de CISM, c'est une pièce excellente, la compile l'est aussi, et c'est pas mal l'une des meilleures pièces de la compilation. Alors titillez vos babines si vous voulez avoir cette compilation, elle sera disponible le soir du concert du 15e anniversaire de CISM au Sepsum. Y aura-t-il d'autres moyens de se la procurer? On dit que non, mais je vais trouver un moyen, je te le dis, watch moi, on va trouver une façon. On avait aussi un peu avant du Caféine avec Montréal, une pièce qu'on avait sur la compilation du Nightlife Magazine, mais aussi sur celle de CISM, qui sort le 17 février, je vous le rappelle. Et on a débuté avec Malajub, un extrait de leur tout nouvel album Trompe-l'œil, c'est Montréal, moins 40 degrés Celsius, featuring Pierre Lapointe au back vocal, yo! On va poursuivre dès maintenant dans une veine un petit peu plus rageuse, on va y aller avec du rock qui est plus roll, si vous voulez. On va y entendre du Vulgaire Délit, les Psycho Riders, les Normand Aplati et les Breastfeeders. Et bien sûr, qui dit Vulgaire Délit dit le mot vulgaire. Alors, s'il y a des enfants qui sont avec vous, qui ne savent pas comment ça marche encore, des bébés, eh bien, prière de leur couvrir les oreilles pour les prochaines quelques minutes. En attendant, si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, vous pouvez m'écrire à plectrumcism@hotmail.com. Vous pouvez aussi passer par mon site web, c'est le plectrumcism.blogspot.com. Il y a aussi ma balado-diffusion, c'est le pod modernisme, podmodernisme.blogspot.com. Alors, si vous avez un iPod ou si vous aimez tout simplement télécharger des émissions du contenu exclusif au web, eh bien, allez sur ce site, vous allez vous amuser comme des petits fous. On débute dès maintenant en vulgarité avec les Vulgaires Délits. On va entendre la pièce Non, non, pas là, sur la marge 89.3 FM, CISM. We'll be right back. comme une cavalier sur son destrier. Sans cécité, je te chevaucherai. Tout au fond de ton arrière-train, je retrouverai mon chemin. Je vais explorer la caverne de l'amour. Maintenant, mais pas un jour. Et dans ce puits, il faut que je me désaltère. Bébé, laisse-moi aller au centre de la terre. Si tu me laisses te prendre par un arrière, comme une coque, je serai fier. Quand je m'approche et je suis sur le seuil, ton trousse qui sent me fait un clin d'œil. Parce que je suis un grand homme, laisse-moi goûter à ce rectum. Oh! Accroche et roule. Bonjour tout le monde, vous savez que t'es toujours à marge, le 89.3 FM CISM. Je m'appelle André Péloquin et c'est Plectrum, la grande traversée du jeudi qui se déroule dans tes oreilles et tu aimes ça. On vient de terminer avec des pièces plutôt rock. On a eu en dernière position les Breastfeeders avec Sans Saveur, une pièce live enregistrée en direct des studios de WFMU. C'était excellent, on a hâte au nouvel album. Hein? Un peu avant, on avait un classique des Marmottes Aplaties, c'était Je bave, tiré de l'album Épisode Sanglant. Un peu avant, les Psycho Riders, en concert très bientôt à Montréal. C'était la pièce Éviter les obsèques, c'est tiré de l'album Ne pariez jamais votre tête au diable. Et on a débuté avec Les Vulgaires Délits et la très chouette et romantique Non, non, pas là, tiré de l'album Kill Rock and Roll. On va poursuivre dans quelques instants avec du hip-hop, mais avant, une autre confession choc. Je te disais la semaine dernière, public, que j'avais joué dans 3 épisodes de Robin et Stella, dans le temps que ça s'appelait André et Stella. Et je jouais le rôle de Robin, bien sûr. Eh bien, savais-tu aussi que j'ai été... que j'ai aussi participé à Passe-Partout? Oh que oui, autant comme personnage en plastique que comme un des passes. D'ailleurs, pour te prouver que je ne suis pas un menteur qui fait d'adroit montage sonore pour t'amuser, on va te jouer dès maintenant un extrait de l'épisode dans lequel je participais. C'était dans mon mode marionnette et j'étais avec Pruno et compagnie en forêt. Tu vas voir, c'est très instructif. Bon ben, en route tout le monde vers la ferme de grand-papabi, ce sympathique octogénaire qui nous reçoit, nous enfants, de la même ruelle, mais qui n'ont pas tous un lien de parenté, sauf moi pis ma sœur. Personne se pose des questions, c'est complètement normal. Coudon, Prunon, qu'est-ce que tu fais, là? Fils de mouche, va-t'en! Ah, elle siffle dans mes oreilles! Y'a une mouche qui te dérange? Une mouche? Espèce de dildo qui porte la salopette. T'as une main de marionnettiste dans le derrière, come on! Oh là là, que d'humour! En tout cas, c'était plus drôle en répétition. Là-dessus, trêve de plaisanterie douteuse avec vos souvenirs d'enfance. On va poursuivre maintenant avec du hip-hop! Et on va entendre les formations françaises, les gourmets. On va aussi avoir du Omicron, du Robot de la Rime et du Gatineau qui étaient ensemble en concert au Divan Orange ce samedi dernier. Et c'était, ma foi, excellent! Oui! On débute dès maintenant avec les gourmets et le métier qui rentre. Et bien sûr, qui dit hip-hop dit truc choquant. Lorsqu'il y a des enfants à l'écoute, n'écoutez pas ça et n'imitez pas les mauvais garçons du hip-hop. Elle est des sports collectifs, sec du petit déjeuner apéritif. Marque son territoire à grands coups de griffe dans l'eau des ébauches lucratif. Un besoin curatif, sentir une grosse douleur au bas du ventre. Oui, c'est juste les larmes, ferme les yeux, c'est juste le métier qui rentre sur son catalogue. La nasty ball qui squatte la salle d'attente, elle les apprécie grand beau golfeur ou amateur de parapente. Si t'es un mec riche, ça marche, elle les trouve trop beau. Sinon, tu le feras pas croire, c'est ton frère sûrement transformé en crapaud. Elle dit qu'elle croit au coup de foudre, pourtant avale beaucoup de foudre. En vrai, kiffe les gros coups de foudre, plus lourd qu'une paire de moon boots. J'ai vu beaucoup de ce genre de filles, mais peu de très près. Car sans faire cracher la feuille, aucune chance de les pénétrer. Jouer. C'est parfois tellement simple de devenir un quasi demi-dieu sans se forcer. A fortiori, acquérir de l'expérience à un prix. S'il rate la soirée dans sa tête, il va te baiser, ça fait pas un pli. Mais t'en fais pas un plat, étant donné que t'as l'habitude. Pour une belle caisse, bras de ses fesses, connais pas la solitude. T'aimes le bail, mais t'en as pas, t'es bonne, ça suffit à servir d'appât. Mange les murs des cuisines, dernier cri de mobile pas. A priori, aucun pélo blindé qui t'emballe pas. Faut sortir la Mastercard Gold pour le rapport à l'alga. Tout travail mérite salaire quand on prend plein de fumes. Une pute en a tout l'air, sauf tu t'appas à l'arrière d'un camion. Silence, la sodomie approfondie, donc lito le nécessaire. Pour entamer la cavalcade infernale dans le sac à gode vibrant, ma soeur, plus on est fou, plus on rit. Elle avait même pensé à ramener la panoplie. Séance de sodomie approfondie à Bokito, le nécessaire pour entamer la cavalcade infernale dans le sac à gode vibrant, ma soeur, plus on est fou, plus on rit. Elle avait même pensé à ramener la panoplie. Les gourmets, les gourmets. La queue et pas qu'un peu, toi t'en veux le cul en feu. S'il y a des thunes, tu t'as coupé. t'as vite compris l'avantage d'être sous le vent en poupe. T'as la promotion grâce à ce bonne pipe, n'est pas de la vie du pape. Les capotes s'adaptent aussi aux grosses. Si t'as le portefeuille vide, tu risques de rentrer les couilles pleines. C'est la même des amatrices de voix de professionnels d'Ukraine. Et je parle de mariage, mais sans le visage de l'étage. Fais la pute sur la plage, mais devant ses parents, n'oublie pas de rester sage. Elle aime se vanter d'avoir des critères très précis. En gros, elle dégage son gars dès que son compte en manque rétrécit. Elle dit merci en partant et ne claque jamais la porte. Car si t'as des potes intéressés, elle sait que son business sera fort. Évite de faire le mesquine, car elle kiffe le sexe en jet ski. Les restaurants de prestige, car mouillé comme les Vinsky. Et puisqu'il faut juste le bail, le reste elle s'en moque. Prends bien tes précautions, c'est-à-dire évite de la foutre en cloque. Je sais pas qu'elle est là. Mais elle aime la bite. Je sais pas qu'elle est là. Elle aime la bite. La cavalcade infernale dans le sac à gros vibrant masseur. Plus on est prêt, plus on rit. Elle avait même pensé à ramener la galopie. Séance de sodomie approfondie à Bokito. Le nécessaire pour entamer la cavalcade infernale dans le sac à gros vibrant masseur. Plus on est fou, plus on rit. Elle avait même pensé à ramener la panoplie. Petite fille, je crois que tu es amoureuse. Tu bégayes quand tu me parles, serais-tu nerveuse? T'en fais pas, je suis pas parfait, c'est seulement tout ce que je fais qu'il est. On n'a même pas besoin d'avoir de conscience sociale pour que tu nous aimes. Tout ce qu'on dit semble superficiel, mais c'est spécial, sensationnel. C'est simple, on est seulement comme du miel. Raffiné, velouté, doré, sucré, tellement bon. Ton péché mignon. Musique. Je rentre tiers monde, me disent merci. Encore dans mes pieds, nul pas Nike. Qui me nourrit au lieu de l'épicerie? C'est-à-dire juste pour les frites. Tu me dis qu'on dit juste des conneries. Moi, je te dis, c'est une erreur. Ta soeur, elle me crie qu'on sonne comme un vibrateur. L'insou Gabo, il veut juste plat. Le roi des mots, il peut pas star. M'en fous. mots, dans le fond tu m'aimes beaucoup, c'est humain d'être jaloux. Tu me dis que je suis dans le champ, mais donne-moi ton argent. Mon cas, je pense dans le linge comme si je serais une fille. C'est le bon goût qui m'habille plus papillon que chenille. Nuclear musique. Me montre ce que je veux sache. Je serai 7 mon anatomie millette. Même si tu m'émettes, t'es pas assez vite. Et ton satellite cravate, c'est la suite logique de ta réussite. Enfermé à ton envie de vie. T'es de vie technique, de tic, la pathétique, politique. J'ai mis l'alphabet en brique. Je t'explique ce que je fabrique. La vue de la vie du voisin qui mange dans ta main. Seras-tu encore le demain? Est-ce que tu te mets? Tu te fous de ton vécu car tout ce qui compte, c'est ce que t'as bu. Dans la rue, t'aurais pu être mon quartier de vue. Philosophie de Kébal, philopathie d'un grand mal. J'essaie de comprendre en faisant une coupe de plomb, en composant une chanson salée, ça dans mon salon. Sans like en premier lieu, l'amour vient second qu'avant, c'est une question d'attachement. Selon certains, j'en attendais, j'ai de sortir de l'Ugon. Ah, c'est fourri, puis je reste cru. J'en connais ma masse, la vie, y'a j'pas une recrue. À nous t'en vécu, le gros yo que j'ai vu des vues. Fait que ça tente d'enjonder, que tu peux trop pour dépourvu. Mais quand on sait que ça marche pas dès le début, on reste quand même ensemble, une question de cul, qu'est-ce qu'on crée ensemble. Mais y'a, c'est quoi le but? Quand on est pas convaincu que toute la coupe continue la bulle, la bombe est faux but. Pour but, tu nous réarranges et nous arrange tant qu'on se marche. Et ça se fait plus longtemps que fait pas qu'il prend la rapide. On a mis un qu'on est venu. On a envie de replonger dans l'inconnu. On savait pas quand les snaps qu'il y a dans la rue. En espoir de raconter l'amour voulu. On veut vivre le grand amour sans inconvénient attitude. À ce temps sans faux, c'est une attente d'acide. C'est fini de faire des belles promesses écrites. On est passé des mariages d'amour en deux acolytes. En tradition des conflits c'est frites. Puis qui périclite la paix, c'est qu'on partage même une même liste. Au stoganon, personne qui arrive. Et pour ce prix spectacle, deux appartements, des limites. Les deux amants, la relation propre. Sur ses soucis, séparation, s'excitant. Poursuit sa lancée sur l'ellipse, en orbite. Et tout ça, pour l'amour, de l'intérêt de la sauce. À la part des filles, j'y rencontre le même discours. Mais j'ai perdu dans des relations qui ont jamais abouti. En me remettant que c'était à peu près 100 fois aussi. Aujourd'hui, j'entends plus grand chose de personne. J'suis pas misanthrope, même si même ça sonne. Ça fait une somme qui m'amène à la conclusion. Qui fait qu'à ce temps, c'est même j'résonne. Les unions que ça donne. Vous écoutez toujours La Marge de 89.3 FM CISM. Je m'appelle André Péloquin et c'est toujours la grande traversée du jeudi Plectrum qui se déroule. On vient de terminer avec des pièces plutôt rap. On a terminé avec Gatineau, c'était la pièce Love Song No. 2 tirée de leur EP Sur ton visage. Un peu avant, on avait Les Robots de la Rime avec Papier d'aluminium, c'est tiré de leur EP Attends ta balle. Un peu avant, Omnicron avec Mieux que de la musique, c'est une pièce qu'on pourra retrouver sur leur tout nouveau EP qui va sortir la semaine prochaine au Zoo Bizarre. Surveillez leur site web omnicron.net pour plus de détails. L'album va s'appeler FM2 24 pouces glacé. Et la pièce, c'était Mieux que de la musique. Et on a débuté le tout avec les très vulgaires gourmets. C'était la pièce Le métier qui rentre. On va terminer cette première heure avec un petit peu de folk. On va débuter avec du Danny Placard. Ensuite, on va passer à Carl-Éric Hudon. Ensuite, du WD-40, et on va terminer ça, si on a le temps, avec du Natacha. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, veuillez me rejoindre au plectrumcism@hotmail.com ou encore passer par mon site web, c'est le plectrumcism.blogspot.com. T'aimes ça la balado-diffusion? T'aimes ça le podcasting et la scène locale québécoise? Eh bien, va sur le pod modernisme, podmodernisme.blogspot.com, et amuse-toi comme un petit fou! Mais là-dessus, trêve de plug. Débutons de maintenant avec Regin de Danny Placard sur la marge. Ride your donkey. Because Il y a des matins où je me demande si je vais être assez fort pour déblayer mon char. On dirait que je viens de passer la nuit à pelleter. C'est pas mêlant à toutes les fois que je me ferme les yeux. C'est comme si je prenais un coup de vieux. J'suis une régine, un vieux singe des étoiles. Je rêve de m'envoler. J'ai ben beau battre des ailes, je lève pas d'un poil. En me réveillant, je cherche mes lunettes. Si j'ai le malheur de pas les trouver, je vis dans un nuage toute la journée. Des fois, je voudrais pouvoir me dire que je suis encore capable de lire sans mes lunettes une revue de tout nu assis sur la toilette. J'suis une régine, un vieux singe des étoiles. J'rêve de m'envoler. J'ai ben beau battre des ailes, j'lève pas d'un poil. Si j'avais su que ça serait comme ça, je me serais fait une douzaine de kids, puis je les aurais regardés grandir avec le sourire. Si j'avais su que ça serait comme ça, je vous jure que je me serais marié avec la voisine d'à côté. Puis aujourd'hui, je serais sûrement moins grincheux. Il y a des matins où je me demande si je vais être assez fort pour sortir de mon lit. J'aimerais ça partir tout de suite pendant qu'il me reste quelques bons souvenirs. Je voudrais pouvoir dire adieu que toute ma vie j'étais heureux. J'suis une régine, un vieux singe des étoiles. J'rêve de m'envoler. J'ai ben beau battre des ailes, j'lève pas d'un poil. Et quand même bien que les choses vont plutôt mal pour toi, Caroline. Ne fais pas l'idiote. Même de la tente, et tu vois, bah la porte est faite en bois. Caroline, Caroline, la bière et les aspirines, les étoiles qui te rentrent dedans par les narines, et tu fais semblant de rien quand tu sors enfin. Caroline, non, ne fais pas ça, non, car regarde, j'aime juste un poids sur ton corps, un poids sur toi qui te rappelle que t'existes. Encore caroline, un coussin, une aspirine, un réconfort passager. T'es comme le train caroline qu'en prend plein de désespérés qui essaient enfin d'oublier d'où ils viennent. T'es ramène. Quand ils viendront, on en reparlera, mais on sera.